L'actualité à Nancy et ailleurs. Le CIDFF organise un escape game à Lunéville les 11 et 12 juillet. Laura Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication pour le CIDFF de Lunéville. Alors, c'est un événement qui est proposé à l'occasion des 40 ans, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Déjà, pour rappeler un peu le rôle du CIDFF, notamment à Lunéville. Alors nous, on est un centre d'information sur les droits des femmes et des familles et on lutte pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences conjugales. On fait beaucoup d'accès aux droits pour les personnes dans le besoin. Alors pour marquer les 40 ans du CIDFF, hein, qui est présent au niveau national, vous avez fait le choix de mettre en lumière des femmes célèbres à travers un escape game. Expliquez-nous comment est venue l'idée de l'escape game. Les membres de notre conseil d'administration, sous l'impulsion de notre présidente Danielle Taleb et de notre directrice Patricia Valtrini, nous ont confié le défi cette année de réaliser un projet innovant à l'occasion de notre anniversaire. Donc nous, on est parti sur l'idée que un escape game, c'est quand même quelque chose d'assez léger, d'assez ludique et également pédagogique, assez actuel finalement, et qui pourrait nous permettre de mettre en lumière les femmes célèbres qui ont un peu fait notre histoire au niveau des droits des femmes. Et ça permet aussi de toucher un public assez large, d'âges différents, des familles aussi? Exactement. L'escape game, il est ouvert à tout public, il est totalement gratuit pour tout public, il est disponible pour tout âge. Donc il va mettre en lumière des femmes célèbres. Comment a été créée cette histoire? Qui a créé l'histoire d'ailleurs justement derrière cet escape game? Alors, c'est moi et mon collègue juriste. On l'a créé avec l'accord de notre gouvernance, hein, bien sûr. Et on s'est dit, pourquoi pas un peu mettre en avant les femmes célèbres. Quelle personnalité vous avez choisi de mettre en avant, justement? Alors, sans trop spoiler, parce que je ne voudrais pas que tout le monde découvre tout de suite. On a décidé de mettre en avant déjà tout simplement Olympe de Gouges, qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. On a également mis en avant Simone Veil, et Frida Kahlo, et j'en dirai pas plus. Voilà, il faudra participer donc à cet escape game, c'est les 11 et 12 juillet, donc ça se passe au CIDFF à Lunéville, c'est ça? Oui, exactement, ça se passe dans nos locaux, au 9 rue René Bassé à Lunéville. Et derrière un escape game, il y a forcément des épreuves, des énigmes, elles restent accessibles au plus grand nombre? Oui, exactement, on a beaucoup beaucoup d'énigmes, donc il faut passer de salle en salle pour retrouver du coup la déclaration d'Olympe de Gouges et pouvoir sortir de la salle en vainqueur. Voilà, et on aura peut-être un petit coup de main si on cale un peu sur les énigmes. Oui, bien sûr, moi je suis dans les salles avec vous. D'accord. Alors combien de temps ça dure un escape game? La partie dure une heure. Donc 60 minutes pour sortir et retrouver donc cette déclaration. Donc il y a deux journées possibles, les 11 et 12 juillet, avec plusieurs créneaux. Comment ça se passe et comment s'inscrire? Pour connaître les créneaux, c'est facile, hein, et vous pouvez m'appeler au 03 83 74 21 07. Et moi, je vous donne les créneaux disponibles, vous vous inscrivez en m'indiquant bien sûr le nombre de personnes qui viennent à la partie, et voilà, tout simplement. Et combien de personnes par salle? 6 personnes par salle. 6 personnes par salle, d'accord. Donc le 03 83 74 21 07, on vous appelle et on organise sa venue, et je crois que c'est gratuit en plus. Oui, c'est totalement gratuit. Voilà, faut pas hésiter. Et il y aura peut-être pas des places pour tout le monde. Hein. Exactement, c'est pour ça. Là, les places commencent à nous coûter un peu cher, donc n'hésitez pas à nous appeler dès que possible. Est-ce que d'ores et déjà, il y a d'autres rendez-vous avec le CIDFF pour le mois d'août ou pour la rentrée? On a plusieurs actions pour la rentrée. On a une action assez artistique qui s'appelle « Scène entre elles ». Qui va permettre de créer avec un groupe de femmes une pièce de théâtre, hein, composée de plusieurs scénettes, sur le thème de la réussite lors des entretiens d'embauche. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez bientôt la communication apparaître, donc n'hésitez pas. On a également le projet Tout Sport, qui va se dérouler au sein même de Lunéville, où les femmes vont pouvoir passer 13 journées conviviales à parler de bien-être, de relaxation et de sport. Plein de propositions avec déjà cet escape game tout proche de nous les 11 et 12 juillet. Et vous l'avez évoqué, les réseaux sociaux pour suivre votre actualité. Exactement. On est disponible sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Et le CIDFF, je le rappelle, c'est 9 rue René Bassé à Lunéville. Merci beaucoup Laura Rivière. De rien, avec plaisir et à bientôt. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.